franceinter.fr. Affaires sensibles, aujourd'hui, Amy, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Leslie Menahem, réalisée par Benjamin Habitant. Amy Winehouse, c'est cette rockeuse diva à la voix de soul qui rappelle les grandes dames du jazz, mais c'est aussi cette nouvelle icône trash qui a ringardisé ses consœurs américaines comme Britney Spears et Paris Hilton. En juin 2011, Amy est sur scène. Elle vient de sortir d'une cure de désintoxication maigre à faire peur. Ses jambes flagellent un peu sur scène. Va-t-elle tenir ou s'écrouler, là, face à son public? Moulée dans une mini-robe, tatouée comme un camionneur, maquillée à l'extrême, elle titube, cette brindille d'1m57. Elle regarde ses fans, écoute un instant les cris et les ovations, hésite, puis se retourne, revient au devant de la scène et chante. Mais elle bute sur les paroles de ses chansons, se cogne dans les coins et contre ses musiciens, prend son verre de vin pour son micro. Après une longue absence, elle tente un comeback. En ce mois de juin, Amy est sur la scène de Belgrade. Mais incapable de chanter, elle annulera tous les concerts suivants et se repliera déprimée à Londres. Ce sera son dernier show, mais en ce mois de juin, personne ne le sait. Son premier succès planétaire, c'est Rehab en 2006. Elle vit à ce moment-là une relation houleuse avec son compagnon Blake Fielder. Ils s'aiment, se détestent, se battent et se réconcilient autour de rails de coke ou d'alcool. Amy ne supporte plus non plus la pression médiatique, l'acharnement de certains journalistes de la presse People britannique. Ses managers lui conseillent de faire une cure de désintoxication. Elle les enverra balader et écrira Rehab, largement autobiographique, où elle dénonce leur manœuvre à travers ces quelques mots. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Ils ont voulu que je suive une cure de désintoxication. Je leur ai répondu non, et trois fois non. Puis toujours en 2006, elle livre son deuxième opus, Black to Black, qui lui vaut de décrocher les Grammy Awards de la meilleure nouvelle artiste, album de l'année, chanson de l'année, et le Brit Award de la meilleure artiste britannique. Amy Winehouse n'est pas seulement l'incarnation de la trash attitude, elle a surtout du talent, beaucoup de talent. Elle a contribué à écrire la légende du rock, après quelques années à se noyer dans l'alcool, à fumer du crack, après quelques chagrins d'amour et beaucoup d'errance sous l'œil obscène des paparazzi. Amy Winehouse est morte à 27 ans, le 23 juillet 2011, dans sa maison du nord de Londres. Après la fiction, nous poursuivons notre route avec Amy Winehouse et un guide que nos auditeurs connaissent très bien, Rebecca Manzoni. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il fait noir. Ma tête comme une enclume pèse sur mon corps fatigué. Je vacille. J'ai beau ouvrir les yeux pour chercher la lumière. Les formes se brouillent. Les lignes s'effacent. Je ne vois qu'obscurité. Je vais me reposer quelques instants. Arrête de vouloir rester éveillé. Arrête de vouloir tout contrôler. Ferme les yeux. Laisse-toi aller. Faut que je ferme les yeux. J'y verrai peut-être mieux. Mon lit est un matelas gonflable qui flotte au milieu d'une grande étendue d'eau. Au milieu des vagues qui m'entourent, de nombreuses bouteilles flottent. Comme de jolis coquillages qui seraient restés à la surface. Il me semble que j'entends la mer. Des feuilles griffonnées roulées en boule ont été abandonnées sur le rivage. Comme des algues échouées. Les mousses s'effacent sous la force des vagues qui rompent tout, qui emportent tout avec elles. Je regarde alors le plafond. Qui n'est plus plafond des milliers d'étoiles, qui se fait ciel, m'offrant à voir des milliers d'étoiles scintiller. La lumière se rejoint. Je les regarde. Je m'apprête à les rejoindre. Arrête de vouloir rester éveillé, Amy. Arrête de vouloir tout contrôler. Ferme les yeux. Laisse-toi aller. Bientôt. Ma voix s'élève au-dessus de moi. Mon lit se fait tapis volant. Et bientôt ma voix s'élève au-dessus de moi. Elle chante malgré moi. Je suis une sirène. Fill my heart with song. Let me sing forever. Amy, de Leslie Menahem. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Nous sommes le 24 juillet 2011. L'Angleterre est bouleversée. Hier, la chanteuse Amy Winehouse nous a quittés. Connue pour sa voix hors du commun rappelant celle d'Ella Fitzgerald et de Dinah Washington, la chanteuse était née en 1983 à Londres, rencontrant le succès très tôt, se voyant rapidement propulsée au rang de star planétaire. Ses chansons, comme des prémonitions, ont marqué des tournants importants de sa vie tumultueuse. Adorée par toutes les générations pour son style ancré entre jazz, blues et soul, elle a rapidement été fragilisée par ses addictions à la drogue, à l'alcool et à l'amour. Nous pouvons dire qu'Amy rejoint maintenant le fameux Club des 27. C'est avec Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison et Jimi Hendrix qu'elle continuera à chanter dans l'au-delà, du haut de ses 27 ans. Car elle fait partie de ces grands artistes. Joyeux anniversaire. Allez, souffle. Bravo. Le 14 septembre 1996, j'ai 13 ans. Des patins à boulettes. Mais vous avez assuré. Ils sont trop beaux. C'est mon rêve. C'est trop bien de pouvoir refaire en sachant que tu connais mon rêve. Serveuse en patins à roulettes. Non, les hommes ils aiment les serveuses en patins à roulettes. Franchement, je mets mes patins à roulettes, je mets mes petits crocs, je trace, je porte en hauteur. Je vais pas. Il y a assez de ton père pour aller dans les bars. Je peux pas voir ma fille. T'es chauffeur de taxi. Moi je vais pas aller au collège. Je veux faire du patin toute la. Bon, je sais pas si je vais être trop forte, mais bon, faut bien commencer. Arrête ta chanson. Bah oui. Papa, t'es chiant. Papa, c'est mes 13 ans, c'est mon anniversaire. C'est moi qui dis ce que tu seras chanteuse. Point barre. Non mais écoute, elle sera chanteuse. Je ferai ce que je veux. Moi, ce que je veux. Peut-être tu manges pas ton gâteau. Mais attends, t'as une voix magnifique, voilà. C'est normal, tu vas te mettre à chanter. Mais moi, je vous dis tout de suite un truc. Moi aussi, je fais une annonce de mes 13 ans. Je veux une vie tranquille. Mais tranquille, à n'importe quoi. L'autre, c'est une tornade. Je veux pas de folie. Je veux du calme. Je veux des patins à roulettes. Zen. Je veux profiter. Mais non. Ma chérie. Pour l'anniversaire de ma mère, quand elle aura fait un flan encore. Quand tu seras star, tu pourras t'acheter une île, ma fille. Tu pourras aller faire des retraites sur une île. Heureusement, je ne suis pas la reine des tartes. Printemps 1999, ma rencontre avec Nikki. Qu'est-ce que tu fabriques, Amy? Tu te sens pas bien? Mais si, ça va très bien. Bah alors, ouvre-moi la porte. Il y a quelque chose qui va pas? Mais si, attends, ça y est, j'ai fini. Bah, il y a quelque chose que t'avais pas digéré ou quoi? Mais pas du tout. J'ai juste trouvé le moyen magique de pouvoir manger autant que je veux et de rester mince comme une sirène. Mais comment ça? Bah, tu veux que je te fasse un dessin ou pas? Bah non, merci, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. Allô? Bonjour? Oui, bonjour. Nick Simonski. Quoi? Mon ami Tyler James m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu chantais et que tu avais une très belle voix. Il m'a dit que tu avais abandonné l'école et que tu voulais devenir chanteuse. Il se trouve que je suis manager et que j'aimerais bien te rencontrer. Manager de quoi? Manager, je produis des artistes. Je les présente à des producteurs et j'ai beaucoup de contacts à Londres et même à New York. Et si ça marche entre nous, si je crois en toi et si tu crois en moi, on pourra aller loin tous les deux. D'ailleurs, m'a fait écouter plusieurs extraits de ta voix, t'as une voix hors du commun, Amy. Eh, hey, mais Nikki, on se connaît pas, mais t'as le mérite d'être un putain de beau parleur. Bah, on se voit demain si tu veux. D'accord, avec plaisir. C'est Nikki, là. Ça fait quoi? Nikki, comment? Nikki, Le 20 octobre 2003, sortie de mon premier album. Vas-y, Nikki! Tu sais, bravo! Yeah! Bravo, Nikki! C'est quoi le meilleur? un des trois whisky là. Non, sûrement pas, non, je peux pas boire une goutte de plus. Mais regarde, il n'y a plus de goût. Allez les gars, on a des choses à fêter, les amis, c'est pas tous les jours qu'on sort un album. Un album qui aura un succès planétaire, c'est moi qui t'ai dit. Je suis tellement contente pour toi, mais tu te rends compte, c'est un rêve qui devient réalité là, tu sors un album. Et puis attends, pas dans n'importe quelle maison de disque, hein. Island Records. Il y a Bob Marley, il y a U2. Mais c'est pour ça qu'on va prendre trois whisky. Oh. Non, mais je sais même pas comment tu tiens debout là. Elle a beaucoup de ressources, Nicky, tu vois ça. C'est une coriace, Amy. Rien l'arrête. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Le gars là. Le gars qui joue au billard là-bas. J'ai l'impression de le connaître. Qui ça? Le type là, là-bas. Il me plaît. J'ai Gabi en noir. Ouais. Il est beau. Il est beau comme un mange noir. Il est beau. Ouais, il est beau. Allez, les filles, on y va. Là, je vous ramène avant qu'on finisse tous par vomir. Oh, allez, Nicky, il a raison, mon gars. Demain, tu commences une tournée. Il s'agit pas de finir la nuit avec un inconnu. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je raconte des bêtises. Allez, tu fais connu, mon ami. J'en suis certaine. Tu vas devenir une grande star. Non, ça, non. Ouais. Je veux pas être connu. J'en deviendrai folle. Mais folle, mais tu l'es déjà. Allez, on y va, les filles. Printemps 2005. Ma rencontre avec Blake. Hé hey, mais tu peux pas faire attention, là? Non. Quoi? Comment ça, non? Je l'ai fait exprès. Attends, j'ai mal entendu ou t'es en train de me dire que t'as fait exprès de renverser de la bière sur ma robe? T'as très bien entendu. Mais ça va pas ou quoi? Tu veux mon poing dans ta gueule? Ah oui, avec plaisir. Une jolie fille comme toi, ça sera comme une caresse. Je me présente, Blake. Enchanté. Putain. Moi, c'est Amy. Amy? Ouais. Je t'offre un verre pour me faire pardonner. Blake, j'ai l'impression que je t'ai déjà vu. Possible. Tu t'habilles souvent en noir? Mais ça m'arrive, pourquoi? Pour rien. Et toi, tu t'habilles souvent en blanc? Ça m'arrive. Bon, alors on se complète. Ouais, on est des faux jumeaux. Ça doit être ça. Qu'est-ce que je vais faire de ma robe, moi? Putain, elle est trempée. Ça te dirait d'aller faire une promenade dans le quartier? Je peux te montrer un parc secret. Je sais pas. Les parcs sont fermés la nuit, non? Je connais un moyen d'entrer, tu seras pas dessus. Mais c'est interdit, non? Amy, tu aimes prendre des risques ou pas? Oui, je suis. Alors suis-moi. Pour toi, j'étais une flamme. L'amour est un jeu perdant. Five-story fire as you came. Toi, tu as attisé le feu. L'amour est un jeu perdant. J'aurais aimé ne jamais jouer. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. Quel gâchis nous avons fait. Voici notre dernière image. L'amour est un jeu perdant. Novembre 2005. Rehab. Amy, ma chérie. Papa. Je suis trop contente que tu m'appelles. C'est normal. On est tous inquiets pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, tu me connais, j'ai un peu exagéré. Amy, c'est grave. Le personnel de l'hôpital m'a dit que tu aurais pu y rester. Tu sais comment sont les docteurs et ils exagèrent toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas envie d'en parler, papa. Et Blake, où est-il? Je sais rien, je sais pas. Comment ça, tu n'en sais rien? C'est à cause de lui que tu en es là. Il n'est même pas là pour s'occuper de toi. Bon, on s'est encore disputé, papa. Je suis désolée, ma chérie. Mais il faut que tu arrêtes de fréquenter ce garçon. Tu ne peux pas continuer à te détruire, comme ça. Mais c'est quand je suis pas avec lui que ça me détruit. Et la tournée? Que dit ton manager? Nicky veut m'envoyer en cure de désintoxication. Il refuse qu'on continue à travailler ensemble si je me soigne pas. Je l'ai envoyé balader. Je sais qu'il dit ça pour mon bien, mais... Je peux très bien me débrouiller sans lui, j'ai pas besoin d'un rabat-joie, là, dans ma vie. Il y a Juliette aussi qui dit que je devrais partir en cure. Elle est venue me voir à l'hôpital tout à l'heure pour me faire la morale. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Mais je lui ai dit de me laisser tranquille. J'ai dit non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, papa? J'en pense qu'il faut que tu te reposes. Mais tu es au début de ta carrière. Il ne faut pas laisser tomber toutes ces dates de concert. Il faut que tu prouves à tout le monde que tu es capable de chanter, que tu assureras tes concerts, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas, ma fille? Tu es une battante. Tu vas t'y tenir, pas vrai? Et puis chanter, c'est la plus belle cure qui existe, non? Ils ont essayé de m'envoyer en cure, mais j'ai dit non. Oui, j'ai connu l'obscurité, j'en suis revenue. J'ai pas le temps. Et si mon père pense que je vais bien, essayez donc de m'envoyer en cure, je n'irai pas. Je n'irai pas. Après avoir remporté plusieurs Grammy Awards, Amy Winehouse vient à nouveau d'annuler une série de concerts. Rappelons que son album Back to Black s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires dans le 30 octobre 2008. Meilleures ventes de ces dernières Back années. To Black. Ses fans n'ont pas hésité à manifester leur déception. Certains d'entre eux auraient même défilé ce matin devant l'appartement de la chanteuse dans le quartier de Camden Market. Amy Winehouse serait à nouveau en mauvaise santé. C'est chaud. Les séjours en cure de désintoxication avec. Putain, c'est terrible. Enfin, c'est pas la peine de réécouter les mêmes conneries. Je sais, c'est ridicule. Viens dans mes bras. Je voudrais que ça s'arrête, là. Je voudrais arrêter de penser. C'est pas la blondasse au journal de 20h qui va nous gâcher la journée. T'en as donné plein des concerts. Et t'en donneras encore. T'as le droit de prendre du bon temps. Viens là. Je suis fatiguée. J'ai ce qu'il nous faut, Amy. J'ai ce qu'il nous faut pour nous calmer. Arrête de vouloir tout contrôler. D'accord? Laisse-toi aller. À ce que tu connaissais, bien loin de ce que nous avons partagé, et je marche sur une route embrumée, mon destin est tout tracé. Je retournerai vers l'obscurité. Je t'aime énormément, mais pas assez. J'aime la coke et j'aime l'herbe, et la vie est comme une pipe, et je suis une petite pièce roulant le long des murs. Nous n'avons eu que des mots pour nous saluer. Je suis morte 100 fois, toi tu retournes vers elle. Et moi, je retournerai vers l'obscurité. Le 23 mars 2011, Body and Soul. Allez, vas-y, petite sœur. Tony. Bonjour. Hello. Je suis tellement heureuse de te voir. Je sais que mon père, il t'aime un truc de dingue. Il va être trop jaloux. Moi aussi, je t'aime. Enfin, on t'adore, quoi. On t'adore tous les deux. Bah, moi aussi. Donc, on s'adore tous. Ouais, on s'adore tous. Je connais le texte, mais il faut juste que je me souvienne de qui chante quoi. On peut répéter un peu? Oh non, pas du tout, non. Bah, allez, s'il te plaît, c'est bizarre. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça, moi, avant. Fais quoi? Bah, j'ai jamais chanté avec l'une de mes idoles, alors je suis un peu excitée, Tony. Je suis trop content. Moi aussi, je suis heureux de chanter avec toi. Tu sais que j'ai chanté avec Diana Washington il y a longtemps? Ouais, j'adore. Sa voix, elle est extraordinaire. Mais elle est morte très jeune, malheureusement. Elle n'a même pas 40 ans. Bah, tu me fais penser à elle. Vous avez la même énergie, toutes les deux, la même puissance dans la voix. Elle t'a influencé, j'imagine. Ouais, beaucoup. J'adore, vraiment. Tony, je suis un peu nerveuse, non seulement parce que je vais chanter avec toi, mais ça me... aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré en studio, je me sens un peu... T'inquiète pas, Amy, ça va bien se passer. J'ai peur de pas être à la hauteur un peu. Tu seras à la hauteur, Amy, on prendra le temps qu'il faudra. Body and soul, corps et âme, coude à coude, tous les deux. Tous les deux. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days ever hungin' and wondering why it's been your wrongin'. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending? Fais-tu semblant? On dirait la fin. Sauf si tu me laisses une chance. Tu fais de ma vie une épave. Tu sais que je suis à toi. Je serai heureux. Je serai heureuse. De me rendre. De me rendre. Corps et âme. Corps et âme. Le 22 juillet 2011. Confidence avec mon garde du corps. J'étais jolie là. C'est vrai. J'aime bien cette robe, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça avait bien chanté, tu trouves pas? Regarde-moi ça. Tu sais bien chanter. Non. On va encore se disputer, Amy. Je sais plus chanter, Andrew, tu le sais très bien. Si je pouvais renoncer à tout ça là, à tout ce succès... Juste pour pouvoir descendre cette rue en marchant tranquillement, je te jure, je le ferai. Dis pas ça, Amy. C'est une chance inouïe que t'as, un don. Et puis tu sais bien que tu peux marcher tranquillement dans la rue, je suis là pour te protéger. Je t'adore, Andrew. Je me sens invincible avec un garde du corps comme toi, mais j'aurais bien aimé pouvoir garder mon corps moi-même, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, j'en ai la force, regarde. Je suis fatiguée, Andrew, je retournerai bien sur Sainte-Lucie. Aux Caraïbes, j'irais bien à la mer, sur une île déserte, encore plus déserte. Ou tiens, j'aimerais bien aller sur la lune, tu vois, tant que j'y suis. Quelque part, on me foutrait la paix. Pas de télévision, pas de paparazzi, pas de fans. Juste le silence. Je t'accompagnerai sur la lune et je te défendrai contre les martiens. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas été garde du corps, Andrew? Je sais pas, petite soeur. Cascadeur? Non. Sumo? Arrête, je suis pas japonais. Chanteur? Non. Alors quoi? Je sais pas, cuistot peut-être. Ça, t'es un gourmand, ça m'étonne pas toi, Andrew. Je vais pas tarder à me coucher, je suis fatiguée. D'accord. Je vais te laisser. Repose-toi bien. Promis. Surtout, tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Je le ferai... Bonne nuit, Andy. Bonne nuit, petite sœur. Et arrête de regarder ces vidéos, t'es une déesse, je t'assure. Les déesses chantent pas. Alors, une sirène. Les sirènes chantent. Une sirène. Une sirène, ouais. Bonne nuit, petite sirène. Bonne nuit, Andy. Adieu, Andy. Adieu. Le 23 juillet 2011.

Je pense que c'est une des chanteuses les plus brillantes à avoir percé depuis des années dans ce pays. Voici Amy Winehouse. Votre agent et son équipe, Samuel Fuller, ont lancé S Club 7 et les Spice Girls. Est-ce qu'ils ont essayé de vous faire entrer dans un moule ou de vous faire faire des choses, de changer votre look ou la façon dont vous parlez ? Oui, l'un d'eux a essayé de me faire entrer dans un grand moule en forme de triangle, mais j'ai dit non. Non. En fait, j'ai mon style et j'écris mes chansons. Et vous savez, quand quelqu'un a déjà autant, c'est vraiment très très petit ce qu'on peut lui apporter. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Amy, et notre invitée c'est Rebecca Banzoni, de France Inter, bien sûr. Bonjour Rebecca Manzoni. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir dans Affaires sensibles pour la fiction et très heureux aussi que vous veniez nous parler d'Amy Winehouse. Alors pour en savoir un peu plus sur vous, même si les auditeurs vous connaissent bien, je vais retenir trois mouvements dans votre carrière à France Inter. En 2004, vous produisez tous les jours de 9h à 10h un magazine culturel intitulé Éclectique. Et puis alors je fais un saut jusqu'à la saison 2013-2014 où vous proposez tous les vendredis une chronique dans le 7-9 de France Inter intitulée Tube & Co. Et à la rentrée 2014, vous animez vos chroniques Pop & Co du lundi au jeudi et Tube & Co le vendredi. C'est bien cela. C'est tout bon. Vous voyez, je suis fidèle. Alors, Amy Winehouse, c'est l'émotion à l'état pur. Dans une interview donnée à Libération, elle disait d'une façon très émouvante « Je ne suis pas une fille maligne. J'ai essayé de faire un disque, mais depuis 3 ans, en fait, je n'écoute que de la musique de jukebox dans les pubs où je joue au billard. Désolée, dit-elle, je suis nulle en interview. » C'est quoi ? C'est de la sincérité ou c'est une posture ? Je pense que c'est de la sincérité. Enfin, je ne l'ai jamais rencontré, mais ce qui était fascinant dans les débuts d'Amy Winehouse, c'est qu'on voit très bien dans un documentaire magnifique qui s'intitule Amy, c'est que elle a cette attitude de fille totalement affranchie, nature, et qui a l'illusion au départ de maîtriser le système. C'est-à-dire qu'elle arrive comme ça avec son côté, assez cash, qu'elle cultivera ensuite. Et elle sent bien, en plus, on la voit jubiler des réactions de ces, des journalistes en face qui sont assez sciés de, d'entendre dire que, je sais pas moi, Kylie Minogue n'est pas une artiste mais un poney, ce genre de propos. Voilà, c'est quelqu'un de oui, de nature, qui arrive avec sa culture, son côté cash et son accent à couper au couteau. Elle arrive sur d'elle conquérante dans un système qui finira quand même par la broyer, on y reviendra, je ne sais pas si... Sur d'elle, je ne suis pas sûre, parce que ce qui était son ambition, c'était faire de la musique avant tout. Le documentaire de Capadia, justement, raconte que le succès pour elle n'était pas un objectif. L'objectif, c'était être libre tout en faisant de la musique et en choisissant, d'avoir la possibilité de choisir les gens avec qui elle voulait travailler. Alors cette musique, justement, puisqu'on en parle, c'est quoi ? C'est de la soul, du blues, du rock, c'est un mélange de tout cela sur lequel elle aurait imprimé sa marque. C'est quoi sa musique ? Oui, c'est de la soul, mais au départ, c'est vraiment... Une artiste de jazz, Amy Winehouse, c'est une fan de Dinah Washington, de Tony Bennett, donc elle vient vraiment de là. Après, l'album qui l'a fait connaître au grand public, qui s'intitule Back to Black, en 2006, c'est un album de soul, parce qu'il y a tout un décor musical qui fait penser à la soul des années 60. Et puis elle a une voix qui est jazz et soul. Je vous ai amené d'ailleurs la piste vocale de Rehab, son tube. Donc la piste vocale, ça veut dire l'enregistrement où on l'entend a cappella. So I always keep a bottle on it. He said I just think you're depressed. This me, yeah baby, and the rest. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you oh no, no, no. I don't ever wanna drink again. I just, just need a friend. I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think I'm off on the mend. And it's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. Il y a une aisance incroyable. Hein. Incroyable. Et donc, cette voix soul, avec un décor 60s, ça crée un contraste assez extraordinaire, parce que le décor 60s, ça dégage une espèce d'innocence, comme ça. Alors que ce qu'elle chante et la voix qui porte le texte sont assez trash, si on peut dire. Hein. Alors que dans ce même décor musical des années 60, des girls band comme les Ronettes, totalement chaperonnées par Phil Spector, ou les Supremes racontaient des bluettes qui disaient « Ah, chérie, tu m'as quitté, mais non, s'il te plaît, reste, sinon j'aurais vraiment le cœur brisé. » Amy Winehouse, elle s'installe dans ce décor musical-là, et ce qu'elle raconte, elle, c'est « Eh les gars, vous voulez m'envoyer en cure de désintox ?» Il n'en est pas question. Et en plus, quand j'ai l'impression que mon mec va me quitter, eh ben, vous inquiétez pas, je garde la bouteille d'alcool bien à côté. Donc, voilà, c'est ce contraste-là qui est, qui pose, je dirais, un genre soul des années 2000. Et cette musique soul, la soul a jamais totalement disparu, évidemment, mais elle va à nouveau être à la mode avec le succès de cet album Back to Black en 2006. Ce sera Liane La Havas, ce sera Alabama Shakes, tout ce courant soul qui va renaître avec Amy Winehouse. Et quand vous l'écoutez, ça vous émeut, sa musique ? Ah oui, je trouve ça déchirant. C'est vraiment... je vous entendais tout à l'heure dire qu'elle mesurait 1m57. Et en même temps, quand on l'entend, il y a une puissance vocale incroyable. C'est une brindille d'1m57, mais c'est une pétroleuse des années 2000, quoi. Ouais, je... c'est une fille à la fois très émouvante et puissante. Il y a une puissance vocale comme ça, dont on sent très bien qu'elle peut vaciller à tout moment. Rebecca, vous nous avez parlé des Ronettes. C'est bien de parler de musique, c'est encore mieux de l'écouter. Vous en savez quelque chose. On va écouter un morceau de Ronettes, ouais. D'accord ? Oui, voilà, s'il te plaît, sois mon fiancé. Allez, chérie, s'il te plaît. Alors, évidemment, Amy Winehouse, c'est pas du tout pas dans du ce tout registre-là. Ça. Mais l'univers là, qu'on entend vraiment, vraiment marqué années 60 avec ses chœurs derrière, quelque chose de fort. Là. Oui, même les percussions, oui. Les sortes de. On a l'impression d'entendre des castagnettes. Hein, on retrouve ça hein, dans l'orchestration de Rehab. Et d'ailleurs, la section de cuivre qu'on entend dans Rehab, c'est la section de cuivre des Dap Kings, qui est un groupe pilier d'un studio. Qui s'appelle et d'un label qui s'appelle Daptones, qui veut renouer avec ce son des années 60 en utilisant du matériel analogique. Et c'est encore très, très tendance aujourd'hui. Alors, en vous écoutant parler, je me dis que quelquefois, quand Dayan parlait beaucoup de sa personnalité, de sa mort à 27 ans, et on y reviendra également, on est peut-être passé à côté de l'essentiel. Sa musique, Amy Winehouse, c'est d'abord c'est une personnalité, c'est un destin brisé, mais c'est d'abord la musique. Ah oui, c'est une encore une fois, c'est une aisance fabuleuse. Elle explique que son premier contact avec la musique, c'était donc le jazz, et ce qu'elle s'amusait à faire, c'était chanter les chorus. Les chorus de saxo, à les imiter. Et il y a moi quand j'entends Amy Winehouse et quand j'entends sa voix a cappella par exemple, je pense à une phrase d'un écrivain qui s'appelle Jean-Paul Dubois qui dit l'aisance c'est n'être jamais contraint de se donner à fond. Et je trouve que quand on entend cette voix, c'est exactement ça. Une espèce de... Elle est exactement à sa place. C'est... Il y a une chanteuse qui dit quand on entend ça, on sait qu'elle est détendue du slip, quoi. Mais c'est ça. Il y a une aisance et une mélancolie aussi, avec une voix un peu rappeuse. Qui sont bouleversants et puissants, j'insiste là-dessus. Il y a aussi cette puissance. Bien sûr, et merci de nous avoir fait écouter Amy Winehouse à cappella, parce que ça dit effectivement beaucoup de choses. On va l'écouter maintenant, pas forcément à cappella, avec Manzoni, puis on va se retrouver ensuite. On a beaucoup parlé de sa musique, et c'est bien, c'était l'essentiel. Peut-être on va se retrouver pour parler un peu plus d'elle et de cette fin, forcément tragique, mais d'autant plus qu'elle est morte à 27 ans. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Something solo, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. Moon. tears, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked in soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, spilling in. And I wake up alone. And I wake up. Rebecca Manzoni, encore une question axée sur la musique. Certains critiques musicaux ont fait le parallèle entre la voix d'Amy Winehouse et celle de Billie Holiday. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est pertinent ? Pour moi, non, parce que c'est deux parcours. Le parallèle est fait pourquoi ? Parce qu'il y a cette espèce de rugosité dans la voix, mais c'est quand même deux femmes extrêmement différentes. On les rapproche aussi par leur parcours de déglingue. Billie Holiday, elle était évidemment droguée, et d'ailleurs, on a été repus de cette histoire-là, on l'a ressassée. C'est aussi le cas pour Amy Winehouse. Mais il y avait une sorte de nonchalance dans la voix d'Amy Winehouse qui est quand même différente de celle de Billie Holiday. Dans le phrasé, dans la façon de dérouler les mots comme ça, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans un cas comme dans l'autre, on s'est repu, c'est le mot vraiment qui me vient en tête, de la déchéance de chacune de ces femmes, pour des raisons différentes. Quand on regarde encore une fois ce beau documentaire d'Asif Kapadia, ce qui est vraiment frappant, c'est que il y a évidemment beaucoup d'images d'Amy Winehouse, mais ce sont des images personnelles. C'est quelqu'un qui a été filmé toute sa vie. Elle est morte à l'âge de 27 ans. Mais il y a des images d'elle quand elle était môme. Ça raconte l'époque, ça. Ouais. À l'ère du selfie, où on se fait des petites vidéos avec le portable. C'est quelqu'un qui a été filmé en permanence. Et elle a été d'autant plus jetée en pâture aux médias avec les nouvelles technologies. C'est aussi ça que raconte le parcours et la courte vie de cette jeune femme. Courte vie, mais qu'elle sait des traces énormes, puisque, vous le savez peut-être, mais elle fait partie des artistes les plus téléchargés, par exemple, qu'on écoute le plus. Donc téléchargé, je pense à un public jeune, évidemment, pas forcément, mais ça fait penser à ça. Donc elle laisse une trace importante dans la musique. Quelle trace elle laisse, selon vous ? Le retour, le regain de la musique soul, je pense à par exemple l'artiste qui a le plus vendu et dont on a le plus entendu parler cette année, c'est Adele. Ouais, Adele, c'est vrai, ouais. S'inscrit vraiment dans la lignée d'une Amy Winehouse avec une voix un peu soul. Elle a aussi ce côté common people, comme disent les Anglais, ce côté je viens du peuple, avec un accent cockney à couper au couteau. Sauf qu'elle, vraisemblablement, a l'air de savoir beaucoup mieux se protéger. Je sais pas si vous avez en tête la pochette de l'album d'Adèle. C'est un gros plan de son visage très naturel, mais très très lisse aussi. Et à l'image de son dernier disque, d'ailleurs, qui est très très lissé. Enfin, c'est fait pour marcher. Et top, au passage. Alors que Amy Winehouse se foutait assez de ça, et quand elle le disait, c'était pas une posture précisément. Je pense que c'était vraiment pas du flan. Elle en a souffert. Quand vous avez appris sa mort, est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, finalement, elle avait ce destin un peu tragique de certains? Voilà, est-ce que vous avez été étonné vraiment? Oui et non. Enfin, on est toujours choqué d'apprendre la mort d'un artiste qu'on aime, mais on a parlé à un moment du Club des 27, qui est quand même une expression extrêmement curieuse. J'allais vous en parler. Qui renvoie, je crois, à Janis Joplin. Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain. Voilà, bon, alors tous ces gens-là sont morts au même âge, mais dans des circonstances tellement différentes et à des époques tellement différentes. Quand on pense à Brian Jones, à Jimi Hendrix, à Janis Joplin, pour moi, leur mort à ce moment-là raconte qu'on bascule dans une autre époque. Hein. On est au milieu des années 60, on organise des grands messes en plein air avec le festival de Monterey, puis Woodstock en plus. Il y a une espèce de foi dans la communauté comme ça, et la mort de ces gens-là qui ont porté ces grands messes et cette musique en plein air, bah voilà qu'on apprend qu'ils sont totalement fauchés et qu'ils meurent d'overdose. Comme si on nous disait que toutes ces utopies, au fond, bah c'était pas pour de vrai. Dans le cas de Kurt Cobain, c'est encore quelque chose de différent, puisqu'il s'est suicidé. On dit, alors c'est toujours très délicat d'entrer dans ce genre d'interprétation, mais on dit que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout assumé le succès, la spirale du succès. On en revient souvent à cela. Hein, dans laquelle il s'est retrouvé entraîné. Mais dans le cas d'Amy Winehouse, encore une fois, la vision du documentaire Amy raconte l'époque dans la mesure où, oui, elle était filmée tout le temps, c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment la traque à une autre échelle dans les années 2000. Elle a été jetée en pâture, l'expression est convenue, mais en l'espèce, elle prend vraiment tout son sens. Et quand on parle de dictature de la transparence, ça prend aussi son sens. Hein. Pour Amy Winehouse, comme pour d'autres d'ailleurs, il y a plusieurs interprétations à cette formule, mais elle existe. Et comme vous le disiez aujourd'hui avec, en plus, Internet, cette traque, elle est d'autant plus forte. Vous avez souvent parlé d'elle dans vos chroniques? Je vous écoute, vous savez, mais pas tous les jours. Il arrive, il y a des jours où je me dis, tiens, je vais pas écouter Rebecca. Oui, j'ai consacré un tube and co à Rehab, parce que quand je suis tombée sur cette piste vocale, ça m'a beaucoup émue. Et puis, quand on est à l'écoute de ce décor musical, il y a un moment, il y a des cordes qui arrivent et on visualise, je sais pas, on pense à un film d'Hitchcock, à n'importe quelle scène, vous savez, tournée comme ça en Californie. Alors évidemment, elle était londonienne, mais quand on écoute ce décor musical, on l'imagine au volant d'une bagnole avec un fichu sur la tête, en roulant à toute berzingue sur la route number one en Californie. Enfin, oui, c'est extrêmement émouvant. Alors, dernière chose, je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, ça m'étonnerait parce que nous sommes dans la musique, mais le club des 27, c'est parti, si j'en crois, un article du Nouvel Observateur, de ce qu'avait dit la mère de Kurt Cobain à l'annonce de la mort de son fils. Elle a dit, il est allé rejoindre ce stupide club. En fait, elle pensait à plusieurs membres de sa famille qui s'étaient suicidés, et le club est né sur des propos finalement mal interprétés. C'est devenu une sorte de croyance chez les musiciens. Alors, on se congratule quand on fête ses 28 ans. Voilà, parce qu'on a passé des 29. Alors, je ne sais pas si tout cela est réel, mais c'est tiré quand même d'un article et c'est une interprétation intéressante. Merci infiniment, Rebecca Manzoni. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et puis à lundi matin, à la première heure, hein, comme d'habitude. Au revoir, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Amy, une fiction écrite par Leslie Melaem, réalisée par Benjamin Habitant et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais.